Ceux qui lancent des accusations contre les femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas commettre la turpitude, et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Ils auront un énorme châtiment.